Esdras chapitre 9. Or, sitôt que ces choses-là furent achevées, les principaux du peuple s'approchèrent vers moi, en disant, « Le peuple d'Israël, et les sacrificateurs et les lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, comme ils le devaient faire, à cause de leurs abominations, savoir, des Chananéens, des Éthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et la semence sainte a été mêlée avec les peuples de ces pays, et même il y a des principaux du peuple, et plusieurs magistrats, qui ont été les premiers à commettre ce péché. Et sitôt que j'eus entendu cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, et j'arrachai les cheveux de ma tête, et les poils de ma barbe, et je m'assis tout désolé. Et tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, s'assemblèrent vers moi, à cause du crime de ceux de la captivité, et je demeurai assis, tout désolé, jusqu'à l'oblation du soir. Et au temps de l'oblation du soir, je me levai de mon affliction, et ayant mes vêtements et mon manteau déchirés, je me mis à genoux, et j'étendis mes mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, j'ai honte, et je suis trop confus pour oser élever, ô mon Dieu, ma face vers toi, car nos iniquités sont multipliées au-dessus de nos têtes, et notre crime s'était élevé jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères jusqu'à aujourd'hui, nous sommes extrêmement coupables, et nous avons été livrés à cause de nos iniquités, nous, nos rois, et nos sacrificateurs, entre les mains des rois des pays, pour être mis au fil de l'épée, emmenés captifs, pillés, et exposés à l'ignominie, comme il paraît aujourd'hui. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a maintenant fait grâce, comme en un moment, de sorte qu'il a fait que quelques-uns de nous sont demeurés de reste, et il nous a donné un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaira nos yeux, et nous donna quelques petits répits dans notre servitude. Car nous sommes esclaves, et toutefois notre Dieu ne nous a point abandonnés dans notre servitude, mais il nous a fait trouver grâce devant les rois de Perse, pour nous donner du répit, afin de relever la maison de notre Dieu, et rétablir ses lieux déserts, et pour nous donner une cloison en Juda et à Jérusalem. Mais maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après ces choses? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as donnés par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays auquel vous allez entrer pour le posséder, est un pays souillé par la souillure des peuples de ces pays-là, à cause des abominations dont ils l'ont rempli, depuis un bout jusqu'à l'autre, par leurs impuretés. Maintenant donc, ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et ne cherchez point leur paix, ni leur bien à jamais, afin que vous soyez affermis, et que vous mangiez les biens du pays, et que vous le fassiez hériter à vos fils pour toujours. Or, après toutes les choses qui nous sont arrivées à cause de nos mauvaises œuvres, et du grand crime qui s'est trouvé en nous, et parce, ô notre Dieu, que tu es demeuré dans tes punitions au-dessous de ce que nos péchés méritaient, et que tu nous as donné un résidu tel qu'est celui-ci. Retournerions-nous à enfreindre tes commandements, et à faire alliance avec ces peuples abominables? Ne serais-tu pas irrité contre nous, jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait plus aucun résidu, ni aucune ressource? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes demeurés de reste, comme il se voit aujourd'hui. Voici, nous sommes devant toi avec notre crime, quoiqu'il n'y ait pas moyen de subsister devant toi, à cause de ce que nous avons fait.